Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men ittaba'a huda. Amma ba'du fa ici le quatrième cours de notre étude des règles jurisprudentielles principales. Aujourd'hui le 14 du mois de Muharram de l'année 1442 après la hijra de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes arrivés ici à la troisième règle parmi les cinq règles principales de la jurisprudence, les cinq règles jurisprudentielles principales, al-qawa'id, al-fiqhiyya, al-khams al-kubra. Cette règle qui est al-dararu yuzal. Al-dararu yuzal. Nous l'avions traduit par le préjudice doit être rejeté et supprimé. Al-dararu yuzal. Le préjudice doit être rejeté et supprimé. Cette règle se base sur la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la darar wa la dirar, que nous pouvons traduire par pas de nuisance ni à soi-même ni à autrui. La darar wa la dirar. Et comme nous l'avons vu précédemment, ces règles sont tirées directement de textes légiférés, soit du Coran, soit de la Sunna. Nous avons vu que les savants ont exprimé ces règles par une phrase, par une expression, et parfois ils l'expriment directement de la preuve d'où cette règle est tirée. Comme nous l'avons vu pour la première de ces règles, « El-Umur bimaqasidiha » El-Umur bimaqasidiha » que nous avons traduit par « Les œuvres selon leur but ». Parfois, ils l'expriment par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam « Innama al-a'malu bin-niyyat » Comme cela, cette règle « Ad-dararu yuzal » Donc, le préjudice doit être rejeté et supprimé. Parfois, ils l'expriment directement par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'où est tirée cette règle? Ils disent « La darar wa la dirar ». Comme nous l'avons dit précédemment, ces règles, ce sont des règles que les gens de la jurisprudence emploient et même autres que eux, c'est-à-dire qu'il y a parmi ces règles des règles qui sont utilisées jusque lorsque les savants parlent dans la croyance, l'aqida. Lorsque les savants utilisent ces règles, ils ne rapportent pas toutes les preuves qui sont en dessous de ces règles, toutes les preuves qui montrent ces règles et qui indiquent ces règles, mais plutôt ils se contentent de dire la règle. C'est-à-dire lorsqu'ils vont parler d'une affaire qui est en relation avec l'intention, ils diront « al-umur bimaqasidiha ». C'est-à-dire qu'ils viendront avec l'expression, cette règle, pour donner le but de la règle ici et pour donner le jugement, sans avoir à rappeler toutes les preuves qui indiquent cette règle. Ils diront « le jugement est un tel car al-umur bimaqasidiha, car les œuvres selon leur but. Comme cela, lorsqu'ils parleront sur le sujet que nous étudions ici, ils diront par exemple ad-dararu yuzal, c'est-à-dire au lieu de rapporter le hadith que j'ai rapporté ici, ad-dararu wa ad-dirar, ainsi que toutes les autres preuves qui indiquent cette règle, ils se contenteront de dire le préjudice doit être rejeté et supprimé lorsqu'ils donneront un avis religieux sur telle et telle chose. Ici, donc, nous dirons que cette règle est une règle très importante. C'est pour ça qu'elle fait partie des cinq règles de base de la jurisprudence islamique. Et certains parmi les gens de science ont dit que cette règle est la moitié des preuves du fiqh de la jurisprudence. Car, ils ont dit, car la jurisprudence islamique est construite sur le fait de rapporter un bien ou de rapporter des biens et de repousser la nuisance. Et ici, nous voyons la deuxième partie de ce sur quoi est construit, d'après la parole de ces savants, ce sur quoi est construit la jurisprudence islamique, le fait de ramener un bien, de repousser un mal, ou de repousser le mal, de repousser la nuisance. Nous voyons que cette règle désigne la deuxième partie de ce sur quoi est construit la jurisprudence islamique, c'est-à-dire le fait de repousser la nuisance, de repousser le mal. Donc, les preuves qui indiquent cette règle, comme je l'ai rappelé précédemment, il y en a plusieurs dans le Coran et dans la Sunna. Je me contenterai juste de rappeler ce hadith, qui est un hadith qui est authentique, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « La darar wa la dirar », donc on pourrait traduire par « pas de nuisance ni à soi-même ni à autrui ». Je terminerai en donnant quelques exemples de cette règle et je rappellerai quelques règles qui sont très importantes, qui s'apparentent à cette règle et qui sont des ramifications de celle-ci. Avant cela, je dirais que la nuisance qui est voulue ici dans ce hadith est toutes sortes de nuisances. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La darar wa la dirar » pas de nuisance, aucune nuisance ni à soi-même ni à autrui. C'est-à-dire que ceci englobe toutes sortes de nuisances, toutes sortes de choses qui pourraient être appelées une nuisance. Parmi les exemples de cela, par exemple, lorsque tu fais une affaire, une transaction avec quelqu'un, et cette personne, par exemple, elle ne te donne pas ton dû. Tu lui dis, Ya akhi, la darar wa la dirar. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, où tu lui dis, Al darar yuzel, la darar wa la dirar. Pas de nuisance ni à soi-même ni à autrui. Je t'ai donné un travail, je t'ai fourni un travail en entier, je n'ai pas cherché à te soustraire tes droits, eh bien, ne me soustrais pas mes droits et donne-moi mes droits entiers, la darar ou la dirar. Comme cela, parmi les exemples de cette règle, nous voyons une chose que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah a rappelée concernant la pratique de cette règle. Il dit, dans un sens approximatif de ses paroles, s'il y a un bien dans le fait que, s'il y a un bien général pour la communauté, dans le fait que une partie des gens, une partie précise des gens, vendent une catégorie particulière de nourriture, ou une chose que les gens ont besoin. Seulement une partie des gens, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas cela à tout le monde, c'est-à-dire qu'on n'autorise pas à tout le monde de vendre cette chose-là, mais plutôt à une certaine partie des gens de vendre cette nourriture, cette sorte de nourriture ou cette sorte de choses que les gens ont besoin. Et donc, qu'il y a simplement ce groupe de gens qui aura le droit de faire ce commerce, de vendre cela. Eh bien, Cheikh al-Islam dit, s'il y a un bien dans cela, s'il y a un bien général pour la communauté dans cela, dans le fait de donner ce droit à simplement une partie de la communauté, à certaines personnes en particulier. Il dit que pour l'islam, eh bien, à ce moment-là, l'imam, donc le gouverneur, devra obliger ces gens à donner un prix précis, à faire ce qu'on appelle at-tas'ir, c'est-à-dire le fait de donner un prix, de se mettre d'accord sur un prix. Il devra les obliger à se mettre d'accord sur un prix précis. Car s'il les avait laissés, ces gens-là, qui sont les seuls à avoir le droit de vendre cette nourriture ou cette chose que les gens ont besoin, s'il les avait laissés comme cela, vous êtes les seuls à avoir le droit, débrouillez-vous. Eh bien, ces gens-là allaient garder cette nourriture ou cette chose qu'ils sont les seuls à les vendre et ils allaient soit donner le prix qu'ils veulent, ou soit ils allaient garder cette chose-là jusqu'à ce qu'il y ait une pénurie. À ce moment-là, ils la sortiront et vendront à des prix exorbitants. Et donc, Cheikh al-Islam dit qu'à ce moment-là, le gouverneur devra les obliger à donner un prix précis. Alors que, comme vous le savez, il y a plusieurs hadiths qui montrent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enjoint à ne pas donner un prix précis, à faire ce qu'on appelle le tas'ir, le fait de donner et de se mettre d'accord sur un prix précis. Comme cela, le fait d'obliger quelqu'un à donner un prix précis. Plutôt, on voit qu'à son époque, sallallahu alayhi wa sallam, des compagnons sont venus le voir et lui ont dit sa'ir lana ya Rasulallah, c'est-à-dire donne un prix précis, c'est toi qui fixes les prix au messager d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire non, laisse les gens obtenir leur subsistance les uns des autres, dans le sens approximatif de ces paroles. Donc nous voyons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas voulu fixer les prix dans ce hadith. Mais s'il y a un bien dans cela, et que le fait de délaisser les choses comme cela sans que le gouverneur oblige cette catégorie de gens à donner un prix précis, il y aura une nuisance, nous disons, à ce moment-là, la darar ou la dirar, donc le gouverneur devra obliger les gens à donner un prix fixe et précis. Parmi les ramifications de cette règle, nous avons plusieurs règles qui sont très importantes. La première de ces règles est que la nuisance ne doit pas être rendue ou ne doit pas être chassé et rejeté par une autre nuisance. La nuisance ne doit pas être chassée et rejetée par une autre nuisance. Dans cela, nous voyons, et la base de cette règle qui est une ramification de la règle que nous étudions, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens approximatif de ses paroles, celui d'entre vous qui voit un mal, qu'il le change par sa main, qu'il le rectifie par sa main. S'il ne le peut pas par sa langue, et s'il ne peut pas par son cœur, et ceci fait partie du plus bas degré de la foi, comme vous le connaissez ce hadith. Eh bien, nous voyons dans ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de chasser et de rectifier une nuisance par une autre nuisance. Plutôt, il nous a orienté au fait de respecter les degrés de la manière qu'une personne aura de rectifier un mal. Comme cela, si une personne est certaine que s'il va changer cette chose qui est devant lui, qui est une nuisance, par une autre nuisance, lorsqu'il va le changer avec sa main, ceci va rapporter une autre nuisance pire que cela, eh bien, elle devra délaisser cela. Comme par exemple, si tu vois quelque chose qui est nuisible dans la rue, mais tu sais que si tu prends cette chose et par exemple tu la casses, tu casses cette chose-là, qui est le bien d'autrui, même si c'est une nuisance, cette chose-là va apporter une nuisance plus grande encore, comme le fait que tu vas rencontrer des problèmes avec autrui, que cette personne-là va appeler peut-être les autorités qui vont te nuire. Eh bien, à partir de là, tu devras délaisser le fait de rectifier cette nuisance par la main et tu devras te diriger vers le deuxième degré qui a été rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, qui est le fait de rectifier cette nuisance par la langue. Si tu vois qu'à ce moment-là, le fait de parler, de dire « un tel, ne fais pas ça », ceci va rapporter une nuisance plus grande que cette nuisance en soi-même, eh bien, comme le fait par exemple lorsque tu dis « un tel, arrête de faire ça », cette nuisance qui est une nuisance pour cette personne-là, qui n'est pas une nuisance pour tous les gens, ce sera une nuisance pour elle simplement. Au moment où tu vas lui interdire, peut-être que tu vas rencontrer des problèmes avec cette personne, le fait que cette personne va venir s'énerver, etc., etc. Et bien, à partir de là, tu devras délaisser le fait de rectifier cette nuisance par la main et par la langue, et tu devras te contenter donc de rectifier cette nuisance et de réprouver cette nuisance par ton cœur. Parmi les ramifications aussi de cette règle, le fait que repousser un mal prévaut sur le fait de ramener un bien. Ceci est une règle très importante, les frères. Repousser un mal prévaut sur le fait de rapporter un bien. Et cette règle, nous sommes amenés à la pratiquer à de maintes reprises dans notre vie de tous les jours. Et cette règle est une règle qui est aussi qui a un rapport direct avec une autre règle aussi que je vais évoquer tout de suite. C'est lorsque il y a des biens et des nuisances et des mâles, eh bien, yani qui viennent en même temps, eh bien, il faudra faire prévaloir ce qui est prépondérant sur ce qui ne l'est pas. Il faudra faire prévaloir ce qui est prépondérant sur ce qui ne l'est pas. C'est-à-dire que nous avons quelque chose, un bien qui est sûr. Il y a un sûr, un bien dans cette chose-là. Mais il y a une nuisance qui peut être une nuisance dans cela. Nous ferons prévaloir la chose qui est sûre. Comme cela, c'est sûr qu'il y a un mal dans le fait de faire cela, et il est possible qu'il y ait un bien dans le fait de faire cela. Nous ferons prévaloir ce qui est sûr. Parmi les illustrations de cette règle, le fait de repousser un mal prévaut sur le fait de rapporter un bien. Nous voyons que, par exemple, lorsque tu fais at-tawaf, la circambulation, donc autour de l'Ka'ba, eh bien, il est légiféré d'embrasser al-hajar al-aswad, la pierre noire. Mais si tu sais qu'en faisant cela, tu vas devoir rentrer dans la foule, pousser les gens, rentrer en contact avec des femmes de cette manière-là, etc., peut-être faire tomber des gens, etc., comme lorsqu'il y a beaucoup d'affluence, eh bien, le fait de délaisser cela, qui est un bien, sans aucun doute, puisque c'est une chose qui est légiférée, le fait d'embrasser al-hajar al-aswad, la pierre noire, c'est un bien, mais le fait de délaisser ce bien, de délaisser ce bien, eh bien, ce sera quelque chose qu'il faudra avancer, qu'il faudra estimer comme quelque chose de prépondérant sur le fait de rapporter ce bien. Comme cela, et je terminerai sur cela, pardon, avant cela, donc une chose qui touche aussi, comme on l'a dit, dans la vie de tous les jours. C'est dommage que Hakim ne soit pas là aujourd'hui. Le fait qu'une personne veuille faire de la polygamie. Eh bien, une personne qui veut pratiquer cette sunna, la sunna de la polygamie. Et nous lui demandons pourquoi tu veux te marier avec... tu veux pratiquer cette sunna. Il dit, j'ai envie de pratiquer la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous lui répondons, étudie bien l'affaire. De manière jurisprudentielle, bien sûr. Et tu regardes les biens que cela va t'apporter et les nuisances que cela va t'apporter, puisque forcément il y aura certaines nuisances, on sait de quoi on parle. Eh bien, cette personne, nous l'invitons à bien étudier cela. Cette personne veut pratiquer la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est une bonne chose, qui est un bien en soi, sans aucun doute. Mais cette chose pourra lui apporter quelques nuisances. Nous l'invitons donc à bien étudier cela de manière jurisprudentielle et à faire la part des choses en mettant d'un côté les biens que cela va lui apporter et les nuisances que cela va lui apporter. Et comme on l'a dit dans cette règle, le fait d'avancer ce qui est prépondérant dans ces choses-là. C'est-à-dire qu'on délaissera le mal pour le bien. Et on délaissera la chose qui est sûre pour la chose qui n'est pas certaine. Et comme cela, ceci nous amène à la dernière règle que je voulais évoquer ici, le fait que si il y a deux nuisances, eh bien, il faudra étudier ces deux nuisances, on ne dira pas pratiquer, mais il faudra forcément tomber dans l'une de ces deux nuisances. C'est-à-dire que tu as devant toi deux choix. Il y a dans ces deux choix un mal. Il n'y a pas de bien ici. Il n'y a pas de maslaha. Il n'y a que des mafasid. Il y a ici deux mal. Et tu sais que lorsque tu vas faire cette œuvre que tu es obligé de faire, tu vas tomber forcément dans un mal. Il faudra étudier cela et voir lequel est le mal le moindre. Donc tu feras le moindre mal. Tu tomberas ou tu rentreras dans le moindre mal. Et ceci est une règle très importante. Est une règle très importante. Et pour illustrer cette règle, nous dirons, comme je l'ai dit précédemment, si tu as devant toi deux choix et tu sais très bien que dans ces deux choix, il y a un mal. Comment tu dois te comporter? Eh bien, tu devras pratiquer le moindre mal. La règle du moindre mal. Comme cela, une chose qui, comme je vous l'ai dit, toutes ces règles et tous ces exemples que je cite, ce sont des choses qui arrivent dans la vie de tous les jours. Ici, par exemple, une personne, toi tu as le droit, on peut aussi utiliser comme exemple ce qui se passe à la douane de certains pays. Mais vous connaissez cela, je donnerai cet exemple-là. Tu as le droit de rentrer dans une administration, dans un travail, par exemple dans une administration. Comme le dit ici, Cheikh Mohamed Bazmoul, il parle d'une administration, mais cela s'applique aussi à n'importe à un travail. Tu as le droit de rentrer dans cela, c'est ton droit. Mais la personne que tu dois voir et avec qui tu dois t'arranger pour rentrer, ou avec qui tu dois, par qui tu dois passer, voilà, pour rentrer dans ce travail, c'est une personne qui te demande de lui donner de l'argent. Si tu ne me donnes pas d'argent, tu ne rentreras pas dans cela. Alors que c'est un droit pour toi, c'est ton droit de rentrer dans cela. Mais la personne qui est entre toi et ce droit, elle te demande de l'argent. Donc un pot de vin. Eh bien, ici, le fait de donner cet argent-là à cette personne, ce ne sera pas pour toi considéré comme un pot de vin. Ce ne sera pas pour toi considéré comme un pot de vin. Plutôt, c'est sûr qu'il y a un mal dans cela, le fait de lui donner de l'argent, car à la moindre des choses, c'est que tu donnes de ton argent personnel à cette personne, c'est une nuisance pour toi. C'est une nuisance pour toi. Eh bien, nous dirons que, et s'il y a ce mal-là, et le mal du fait de renoncer à ton droit, qui était un droit pour toi, et quelque chose qui sera un bien dans le futur pour toi. Donc nous te disons de bien étudier et de regarder. Est-ce que le fait de délaisser ce travail, ce sera une nuisance pour toi? Tu dis que cette chose-là sera une nuisance, le fait de donner de l'argent, c'est une nuisance, mais nous te dirons de prendre le moindre des deux mal, c'est-à-dire de donner l'argent à cette personne. Dans son, pour lui, ce sera estimé comme un pot de vin et pas pour toi. Une autre chose, et je terminerai sur cela, la manière que Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a pratiqué concernant cette règle. Il y avait à l'époque où ce qu'on appelle l'At-Tatar était rentré dans les pays d'islam et ils occupaient les pays d'islam. Ils étaient rentrés en Irak, ils étaient rentrés en Syrie, etc. Et à cette époque-là, donc, Cheikh Al-Islam était dans la ville de Dimashq, donc dans la ville de Damas. Et certains parmi ces gens, At-Tatar, prétendaient être rentrés en islam. Certains parmi ces gens, At-Tatar, prétendaient être rentrés en islam. C'est une chose qui est connue. Mais ils étaient venus, ils ont occupé, ils ont combattu les musulmans, puis ils ont prétendu être devenus musulmans. Ils occupaient les terres des musulmans. Ils faisaient du mal aux musulmans à ce moment-là, bien qu'ils prétendaient être musulmans. Et Cheikh Al-Islam, de voir un élève, quelqu'un parmi les élèves en sciences, interdire à certains parmi les tatars de boire de l'alcool. Ces tatars qui prétendaient être musulmans, mais ils buvaient de l'alcool. Cette personne de les interdire. Il voyait qu'il fallait leur ordonner le convenable et leur interdire le blâmable. Donc ne buvez pas de l'alcool, ceci est interdit dans votre religion. Et Cheikh Al-Islam de lui dire, ne leur interdit pas de boire de l'alcool. Pourquoi ? Il leur dit, dans le sens de ses paroles, si ces derniers boivent, ils deviennent, ivres, et ils dorment. Et ceci est un bien pour les musulmans, pour qui ils sont eux-mêmes une nuisance, s'ils sont réveillés. Donc ici, Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, nous voyons qu'il a pratiqué cette règle de la meilleure des manières. Il n'y a pas de doute dans le fait que dans le fait de les laisser boire de l'alcool, qui veut partir des grands péchés, il y a un mal. Mais il y a un plus grand mal dans le fait qu'ils ne soient pas ivres, et qu'ils ne dorment pas, qu'ils fassent des problèmes et qu'ils nuisent aux musulmans. Donc il a agréé cette nuisance qui est moindre, donc il a pris un moindre mal et il a pratiqué cette règle de la meilleure des manières. Wa ila huna wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.